C'est l'heure de la méthode scientifique et c'est avec vous Nicolas Martin, bonjour. Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange, vous allez voir que ça fait encore plus froid dans le dos de notre addiction au téléphone portable et à tous les écrans. Oh là là, c'est affreux. Encore pire que les stations fantômes du métro. À bientôt. Vous êtes forcément déjà tombé ces 40 dernières années sur un reportage, un magazine, un expert qui dénonce les méfaits de la télévision, du jeu vidéo, d'internet, des téléphones portables avec témoignages à l'appui, anonymes de préférence pour décrire les tourments et les ravages que l'irruption de ces technologies ont créés chez les personnes sensibles. Mais qu'en est-il vraiment ? Alors qu'il est incontestable que les écrans se sont multipliés de façon exponentielle autour de nous et que les usages numériques ont changé, sommes-nous devenus tous accros à l'écran ? Addiction numérique, tous accros à l'écran, c'est donc le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour essayer d'y voir plus clair et de démêler le bon grain de l'ivraie sur ces problématiques de dépendance contemporaine, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maude Lemercier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante à l'Université Paris-Nanterre, également psychologue clinicienne à l'hôpital Albert Chenevrier à Créteil. Bonjour Jean-Paul Tassin. Bonjour. Vous êtes neurobiologiste, directeur de recherche émérite à l'INSEAM, ancien chercheur au Collège de France, aujourd'hui à l'Université Paris-Sorbonne. Si vous ne pouvez absolument pas vous en passer, vous pouvez, en plus de l'antenne, nous suivre sur votre téléphone ou sur votre ordinateur via le compte Twitter de l'émission At la méthode FC. C'est le jour ou jamais où il faut vous abonner. Ceci étant dit, remontons un peu le temps. Le Japon est envahi par des extraterrestres et des soucoupes volantes. Il s'agit d'un nouveau jeu électronique qui fait fureur et qui fait des ravages, surtout chez les jeunes. Tout est fait ici pour harponner, conditionner, faire appel aux instincts agressifs, amoindrir aussi les réflexes des joueurs par un déluge de décibels, par le scintillement des lumières, par l'éblouissement des couleurs, par le jeu de la guerre et de la survie. Des extraterrestres aux pinces de crabe tentent d'envahir la Terre et pour défendre votre bonne vieille Terre, vous disposez de lance-missiles mobiles et d'abris souterrains. De temps en temps, une soucoupe volante vient à la rescousse des envahisseurs et c'est à qui détruira les autres le premier. Au fur et à mesure que le dénouement approche, le rythme s'accélère. Alors il faut bien sûr de bons réflexes, de la rapidité, un peu de stratégie et beaucoup, beaucoup de désintéressement, car ce jeu ne rapporte aucune récompense. Ces envahisseurs ont déclenché plus qu'une mode au Japon, c'est une épidémie, un fléau national. Les tout jeunes s'y laissent prendre, ils volent même leurs parents ou leurs amis pour jouer, et certaines mineures se sont même prostituées. Et voilà comment la télé française, Antenne 2 en l'occurrence, accueillait en 1979 l'apparition du jeu Space Invader. Au Japon, vous l'avez entendu, des jeunes qui volent leurs parents, leurs amis, un fléau national. Certains qui vont même jusqu'à la prostitution pour pouvoir jouer quelques minutes à ce jeu vidéo. Qu'est-ce que ça vous évoque quand vous entendez cette archive, Jean-Paul Tassin ? Une grande exagération, oui. Évidemment, enfin, c'est un jeu, et puis on peut s'y laisser prendre, mais quand à parler d'addiction, c'est un autre problème. Je pense qu'on va en parler. Maude Lemercier, on voit bien que ce qui est intéressant et la raison pour laquelle j'ai choisi cette archive, c'est que là, c'est l'irruption du jeu vidéo, mais finalement, ça a été la même chose pour la télévision, ça a été même la même chose. Je vais vous en parler dans un instant. Je vais vous le dire maintenant, d'ailleurs, pour la lecture. Écoutez, c'est un pasteur qui écrit en 1821 « La fièvre de la lecture est une curiosité sans bornes qui vise à satisfaire momentanément son propre esprit oisif par le fruit de l'imagination ou en lisant les représentations d'autres auteurs dans leurs ouvrages. On ne lit pas pour s'enrichir de connaissances, mais on lit le vrai et le faux sans distinction, c'est intéressant pour notre débat de plus tard, le vrai et le faux sans distinction, sans chercher à savoir par pure curiosité, on se complaît dans cette oisiveté de l'esprit, à la fois agréable et affairée, vécue comme un rêve. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la crainte de cette addiction au numérique, finalement, ça n'est juste qu'une énième itération de la crainte de nouvelles pratiques culturelles, d'accès au savoir ou au divertissement ? J'irais même un peu plus loin en disant que les critiques adressées aux jeux vidéo ou même à toutes les nouvelles technologies, par exemple tout ce qui est de l'ordre de l'inactivité physique, la désocialisation, l'utilisation abusive des technologies ou la violence graphique, rejoignent de manière générale une critique de la société postmoderne. C'est-à-dire dans quel sens ? Dans le sens où cela stigmatise ici les jeux vidéo et du coup ça occulte un peu l'ampleur des phénomènes. Quand on parle de la carence de sport avec l'utilisation du coup de la voiture ou des transports en commun plutôt que de marcher ou de faire du vélo, tout ce qui est de l'ordre de la désagrégation du tissu social ou de la violence véhiculée par les médias en général et pas uniquement par les jeux. Alors Jean-Paul Tassin, est-ce que on l'a vu, hein, je le disais dans l'introduction, on entend beaucoup de reportages, de magazines qui titrent sur cette question de l'addiction au numérique, de l'addiction aux écrans, de dépendance aux écrans. Cette crainte de l'addiction, est-ce qu'elle est raisonnable ? Est-ce qu'on peut parler d'addiction déjà ? Elle n'est pas vraiment raisonnable, il faut peut-être remonter un peu pour comprendre ce que ça veut dire addiction. Addiction, c'est une maladie. C'est une vraie maladie, c'est une pathologie. Et en l'occurrence, dans beaucoup de cas, il ne s'agit pas d'addiction, il s'agit d'abus plutôt que d'addiction. Vous savez, en clinique en particulier, on décrit trois niveaux. L'aspect récréatif, puis l'aspect abus, et enfin l'aspect dépendance ou addiction. Alors, on peut essayer de comprendre d'où vient le mot, si ça... Bien sûr, évidemment. Le mot, initialement, c'était au XIIIe siècle, c'était un terme juridique qui signifiait vous êtes contraint de corps, c'est-à-dire que vous devez rembourser vos dettes et vous devrez travailler pour rembourser vos dettes. Et puis ce terme qui était français, donc initialement est passé en Angleterre, ça devenait to be addicted, mm-hmm. Et puis c'est revenu sur addiction. Mais en fait, l'addiction, on a été obligé de l'utiliser parce que au départ, on parlait de pharmacodépendance avec l'héroïne, la morphine et un certain nombre de produits psychostimulants, amphétamines, cocaïne, etc. Et on s'est aperçu qu'il y avait peut-être, sans doute, une addiction au jeu, c'est-à-dire sans produit. Donc il a fallu trouver, on ne pouvait plus parler de pharmacodépendance, donc on a parlé d'addiction. Est-ce que la dépendance et l'addiction aujourd'hui, c'est similaire, c'est synonyme ? Oui, il n'y a pas de raison de faire de différence. Peut-être qu'il y a des subtilités, mais qui m'échappent totalement. Oui, Maud Lemercier. Si l'on prend la définition justement de l'OMS de l'addiction, ils disent que c'est un état de dépendance périodique ou chronique à des substances ou à des comportements. Du coup, c'est la même chose. Voilà, c'est ça. Donc on parle bien de substances et de comportements. On peut tout de même aussi peut-être ajouter un peu de nuance en disant qu'il est réel que ce soit pour les jeux vidéo, pour la télévision, pourquoi pas pour la radio, même si j'en ai moins le souvenir, et pour la lecture aussi, ce qu'on voit aujourd'hui et qui est il y a une forme de déterminisme social par rapport à ces consommations. Il peut y avoir des consommations excessives qui ne sont pas pour autant, qui ne relèvent pas, selon vous, Maud Lemercier, de l'addiction. Non, on parle très souvent maintenant d'usage abusif, qui est une forme de surconsommation que l'on retrouve de manière un peu générale dans la société, où c'est une société qui incite à la consommation dans tous les domaines, et du coup les jeux vidéo et les réseaux sociaux et Internet de manière générale n'y échappent pas. Mais c'est intéressant par exemple de voir, Jean-Paul Tassin, qu'aujourd'hui quelqu'un qui va lire énormément, qui va avoir un comportement de type abusif avec de la lecture, n'est pas jugé par la société de la même façon que quelqu'un qui va passer son temps devant une console de jeu. Là c'est un choix de société. Ce qu'il faut voir, c'est que l'addiction, je disais, c'est une pathologie, et il y a une modification du système nerveux central, une modification qui est plus ou moins difficilement réversible. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. D'accord. Sur la partie vraiment à proprement parler neurophysiologique. Oui. Qu'est-ce qui définit un comportement pathologique ou compulsif ? À quel moment ? Est-ce que ce sont deux mots différents aussi, Maud Lemercier, un comportement pathologique et un comportement compulsif ? Quand on parle d'usage pathologique, on pense à différents critères, notamment tout ce qui est de l'incapacité de contrôler son comportement de consommation, les répercussions sur le plan psychosocial, le besoin persistant de jouer, notamment lorsqu'il s'agit de jeux, ou des problèmes d'ordre psychique et somatique. Donc ça, ce sont des points qu'on retrouve à chaque fois lorsqu'on parle d'usage pathologique. Autant que ce soit autant pour des produits que pour des comportements ? Oui, c'est-à-dire que l'individu addict, c'est quelqu'un qui ne peut plus rien faire d'autre que de rechercher soit l'activité, soit le produit. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, compte tenu du développement de notre rapport aux écrans, puisqu'il est incontestable qu'aujourd'hui, entre les téléphones, entre les ordinateurs, entre la télévision, pourquoi pas aussi le cinéma, qui continue à survivre malgré les transformations des consommations de films ou de rapports à l'industrie cinématographique, est-ce qu'on peut dire que nous avons tous, compte tenu de la place qu'ont les écrans dans nos vies, tendance à aller vers des comportements de type addictif, ou est-ce que c'est abusif? C'est clairement abusif, c'est clairement pas addictif. Enfin, le pourcentage d'addicts, quel que soit le produit ou l'activité, est extrêmement faible. En deux mots, c'est un peu surprenant, mais celui qui prend de la cocaïne, sur 100 personnes qui prennent de la cocaïne, il y en a 10% qui vont devenir addicts. Ça veut dire que 90 ne le deviendront pas. Mais en revanche, il y en a un certain nombre non négligeable qui se deviendront abuseurs, qui en prendront trop, mais qui n'auront pas cette modification qui va complètement transformer leur façon de percevoir l'environnement. On peut donc dire qu'on a un rapport abusif, mais pas addictif, aux écrans. Moi, c'est ce que je pourrais dire. C'est l'impression que j'ai, mais il faudra attendre peut-être, parce que c'est encore un peu tôt. Mais même les jeux qui sont reconnus plus ou moins comme étant, pouvant entraîner de l'addiction. Les jeux d'argent. Les jeux d'argent. On ne parle pas des jeux vidéo, il faut bien faire le distinguo. Hein. Les jeux d'argent, vous avez raison. Mm. Mais même ces jeux-là, ces jeux d'argent, qui ont des pourcentages d'addicts extrêmement faibles. C'est de l'ordre de 1%. Et donc, et encore, ce que l'on constate, et c'est très intéressant, c'est que ces gens qui sont addicts aux jeux d'argent sont aussi addicts au tabac, à 60% des cas, et sont aussi addicts à l'alcool. 60%, ça fait plus que 100%, mais ça veut dire simplement que la plupart des gens qui sont addicts aux jeux d'argent ont déjà consommé et ont déjà modifié leur système nerveux central. Donc il y a des polydépendances qui se mettent en place. Mais qui peuvent avoir une origine pharmacologique. De pharmacodépendance. Comment qualifieriez-vous, Maud Lemercier, aujourd'hui l'usage que nous avons tous, ou en tout cas une grande partie d'entre nous, de ces écrans, de la surmultiplication de ces écrans qui est à la fois choisi, mais qui est aussi certainement un peu subi, hein, un peu sous le coup des modifications technologiques et de la consommation abusive de programmes télévisuels, de jeux sur les téléphones? Est-ce qu'elle est un peu, selon vous, dans votre regard, compulsive aussi, un peu pathologique? Ça peut arriver, mais disons que maintenant, par exemple, le téléphone portable est devenu une sorte d'extension de nous-mêmes qui offre des possibilités assez infinies, pareil sur l'ordinateur. Du coup, notamment les jeunes s'en emparent beaucoup et ils utilisent ça pour aller... Ben pour se changer les idées, voilà. pour passer du temps. Mais est-ce que dans cette... par exemple, je lisais en préparant cette émission que la moyenne nationale était aujourd'hui entre le téléphone, l'ordinateur, la télévision, de 4 heures de consommation d'écran par jour et par personne en 2017 en France. Hein, on parle de la France. Est-ce que c'est une consommation dont il faut s'inquiéter pour ce qu'elle change? Est-ce qu'elle peut modifier des rapports sociaux? Ou est-ce que finalement c'est juste un nouvel usage auquel il faut s'habituer, selon vous? Tout dépend des conséquences de cet usage. Si cet usage amène à un repli sur soi, à une rupture des liens familiaux, oui, là il faut effectivement s'en inquiéter. Si au contraire c'est un usage qui permet de continuer à rester en contact avec des amis qui partent à l'étranger, qui sont à distance, etc. Non, c'est un usage comme un autre. Jean-Paul Dassin. Oui, moi je crois que ce qu'il faut bien noter, c'est que s'il y a addiction, il y a souffrance. Et que le produit ou l'activité est destiné à faire disparaître cette souffrance. Bon, s'il y a abus, ok, pourquoi pas, mais c'est pas grave d'une certaine façon. On peut revenir en arrière. Et donc, il faut bien faire cette différence et bien la sentir. Et je crois que jusqu'à maintenant, on a un peu perdu, ces derniers temps, on a perdu cette notion. J'entends des gens qui disent « moi, je suis addict au chocolat ». Or, on sait bien que le chocolat n'a jamais entraîné d'addiction. Voilà. Est-ce qu'on peut dire, alors que c'est peut-être que le mot de souffrance, évidemment, en matière clinique, est un mot qui est évidemment très, très, très précis, enfin qui définit quelque chose de précis, mais est-ce que l'on peut dire qu'il y a une forme de souffrance à bas bruit, ou en tout cas d'angoisse légère, qui fait que tous, autant que nous sommes, dans ces consommations numériques, nous sommes tous pas très heureux de cette consommation? Nous aimerions tous, peu ou prou, la réduire, passer moins de temps sur nos téléphones, passer moins de temps sur les réseaux sociaux, que ça a généré une forme, disons, d'angoisse à bas bruit. Peut-être. Je pense que ça dépend, un, de l'âge, 2 du contexte et 3 de la personnalité de l'individu. Il y a certaines personnes qui n'ont pas de téléphone portable. Ça existe encore. C'est une minorité. Maud Lemercier, qu'en pensez-vous de cette angoisse à bas bruit qu'ont créé ces usages? Je suis d'accord. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons des addictions numériques et de la question plus généralement de notre rapport à la multiplication des écrans. Nous en parlons avec Maud Lemercier, qui est doctorante et psychologue clinicienne, et Jean-Paul Tassin, neurobiologiste et directeur de recherche émérite à l'INSERM. Alors aujourd'hui, l'addiction aux écrans est assez largement considérée comme une pathologie. Et qui dit pathologie dit prise en charge. Bonjour Céline Lezen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous avez lâché votre portable 5 minutes pour aller consulter. Plus longtemps que ça, waouh. Pour aller consulter à l'hôpital Sainte-Anne à Paris et comprendre comment sont traités les patients qui disent souffrir d'addiction aux écrans. Oui, alors le problème, c'est qu'au niveau international, l'addiction aux écrans n'est pas vraiment une pathologie. Il n'existe pas de cadre, pas de seuil scientifique permettant de définir une maladie liée à l'abus d'écran. Alors pour autant, les personnes qui viennent consulter le psychiatre Alain Dervaux sont de plus en plus nombreuses. Et il est spécialisé dans les addictions aux écrans et propose à ses patients des thérapies personnalisées en fonction de leur degré de dépendance. Pour certains, l'addiction Internet, c'est au-delà de 30 heures ou 40 heures. Le problème, c'est que ce seuil n'est pas défini au niveau international. C'est difficile de mettre un seuil. L'addiction, c'est quand vraiment c'est durable. Là où ça pose problème, c'est quand les conséquences sont trop importantes. Alors, tout ce qui est réseaux sociaux, ce qui peut arriver, c'est la peur de manquer quelque chose. La peur de manquer quelque chose, c'est dans notre réseau d'amis, on a l'impression que eux vont être plus au courant de choses qui se font et pas nous. Ça peut générer des frustrations, des jalousies, et puis surtout cette envie, cette hyperconnexion qui fait qu'il faut tout le temps être connecté de peur de manquer quelque chose. Ça génère aussi une angoisse. Vous, à travers vos patients, est-ce que vous avez pu déceler des caractères très stéréotypés? C'est rarement stéréotypé. Les gens, quand ils viennent consulter, c'est parce que ça prend trop de place, il y a trop de conséquences. À partir de ce moment-là où il y a une souffrance qui est exprimée par le sujet, par l'entourage, alors là, effectivement, ils viennent consulter pour ces conséquences-là, et notamment sous forme de dépression. Est-ce que les gens viennent facilement, et comment, surtout, vous les traitez dans la durée? Alors, les gens viennent pour toutes sortes d'addictions, cyberaddictions. Il y a tous les âges, il y a toutes les catégories socio-économiques. Alors, le traitement, ça va être surtout un traitement psychothérapique. Notamment, moi j'utilise plutôt les thérapies cognitives ou comportementales et qui vont se focaliser sur des distorsions cognitives, c'est-à-dire il faut tout le temps que je sois branché, par exemple j'ai sûrement un message important qui m'attend alors que c'est pas forcément nécessaire, ou alors pour gérer l'envie. Alors, il y a plusieurs techniques, hein, mais ça va être surtout un travail qu'ils vont faire eux, un travail cognitif de restructuration qui va les amener à réfléchir avec un dialogue. Alors au départ, ce sera sous forme, on appelle des entretiens motivationnels, c'est-à-dire on va voir avec les sujets les avantages et les inconvénients du comportement problème. C'est-à-dire, en l'occurrence, trop de temps passé sur Internet. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Quels sont les avantages qu'ils en tirent? Quel est le plaisir qu'ils en tirent? Comme par exemple, jouer à des jeux sur Internet ou rentrer en contact avec des gens sur Internet permet de me protéger par rapport à une relation directe parce que je peux maîtriser. Alors que je maîtrise moins les relations directes. Donc on va voir avec le sujet comment améliorer ces relations directes en face à face avec des vraies personnes. Parce que ce qui distingue les addictions Internet, c'est que les gens, il y a l'intermédiaire de la machine. Donc ils vont dialoguer avec les autres par l'intermédiaire d'une machine qu'ils vont maîtriser. Donc quand ça leur plaît plus, ils arrêtent. Donc, mais ça, c'est un dialogue un petit peu faussé avec les autres. C'est pas une relation vraie avec les autres. Dès lors, le problème pour eux, c'est comment retrouver de l'authenticité avec des vraies personnes. Et parmi vos patients, est-ce qu'il y a des cas de réminiscence? Alors, tout dépend en fait du degré de motivation au changement. Il y a des gens qui sont très très motivés à changer, et ceux-là, on arrive relativement facilement à les aider à effectivement changer, c'est-à-dire trouver des relations plus authentiques avec les autres, ou des loisirs plus satisfaisants. Alors, la grosse problématique, c'est une problématique de santé publique à la fois public et individuel. Dans les pays asiatiques, c'est notamment en Chine, en Corée, à Taïwan, beaucoup de jeunes sont complètement prisonniers d'Internet. Et donc l'enjeu thérapeutique actuel, c'est que comme beaucoup ne viennent pas en face à face à voir des thérapeutes, et notamment parce qu'ils ont perdu le goût du contact vrai, tout l'enjeu, c'est d'essayer de trouver des moyens technologiques pour les proposer des approches thérapeutiques sur Internet. Alors, c'est à la fois bien et pas bien, parce que puisqu'on va utiliser le moyen dont ils sont prisonniers pour les approcher. Le problème, c'est que c'est pour tous ces, la majorité qui ne viennent pas, qui ne viennent pas consulter. Donc, comment trouver des outils technologiques numériques adaptés pour eux sur Internet pour pouvoir les aider à s'échapper, parce que ces sujets s'approprient mieux des techniques thérapeutiques quand ils vont les chercher eux-mêmes sur Internet et quand ils ont l'impression que c'est eux qui vont se les approprier. Donc faut, et ça, ça demande beaucoup d'inventivité pour nous de trouver de nouveaux outils pour que les utilisateurs, ceux qui sont addicts, se les approprient, pour qu'ils se les approprient suffisamment pour qu'ils puissent s'en sortir eux-mêmes. C'est ça tout l'enjeu actuel de trouver des nouvelles thérapies. C'est-à-dire qu'il faut utiliser l'environnement de familiarité de ces patients-là pour arriver à les traiter, de soigner le mal par le mal finalement. Un peu, oui. C'est-à-dire à la limite, trouver des avatars thérapeutiques, c'est-à-dire des petits avatars avec des petites croix rouges qui vont se balader sur Internet pour proposer différentes techniques ou aller sur différents sites pour aider ces sujets à aller mieux. Puisque c'est ça l'enjeu. Un des autres challenges, c'est tous les plus jeunes qui ont grandi là-dedans. C'est l'univers dans lequel ils ont grandi, donc où ils ont développé différents mécanismes affectifs. Et donc ça c'est le plus dur. Et donc pour changer quelqu'un qui a grandi dans un univers numérique, c'est un challenge thérapeutique qui pour nous est extrêmement fort. Voilà les consultations d'addiction numérique, puisqu'il y en a donc, ou de cyberaddiction. Alors je ne sais pas, puisqu'on vient de dire dans la première partie qu'il ne fallait pas parler d'addiction, donc je suis un peu en porte-à-faux, mais néanmoins, Maud Le Mercier, vous qui travaillez, qui justement recevez en consultation à l'hôpital Albert Chenevrier à Créteil, quel type de personnes vous accueillez ? Vous retrouvez des choses que vous connaissez dans ce reportage ? Alors comme la consultation vient d'ouvrir en septembre, pour l'instant c'est plutôt les parents des joueurs que je reçois, ou des parents de jeunes qui utilisent trop les réseaux sociaux selon eux. Donc joueurs, c'est jeux vidéo et réseaux sociaux essentiellement pour le moment. Voilà, c'est ça. Donc c'est généralement des familles qui sont du coup inquiètes parce que les parents ne comprennent souvent pas l'usage que peuvent faire de manière selon eux excessive du coup de ces nouvelles technologies. On entend hein, dans le reportage, dans la parole du clinicien, tout de même un certain nombre de pathologies sociales. On entend les mots de peur, d'angoisse, de dépression. Est-ce que finalement ces addictions numériques ou ces phénomènes de comportement pathologique vis-à-vis des usages numériques, pour essayer de ne pas utiliser à tout bout de champ ce mot d'addiction, ne sont pas finalement l'expression secondaire d'une pathologie initiale ? Ça peut arriver, c'est souvent le cas. D'ailleurs, l'utilisation des jeux vidéo ou des réseaux sociaux de manière excessive représente une sorte de fuite, souvent des fuites de problèmes ou de difficultés rencontrées au quotidien. Et du coup, cet univers numérique représente en fait un lieu dans lequel ils peuvent s'échapper, se créer, quand ils sont des adolescents, des nouvelles identités, augmenter leur estime d'eux-mêmes, par exemple, dans les jeux vidéo, en réussissant du coup des quêtes ou en étant... classer le mieux possible, etc. Oui. Jean-Paul Tassin. Ça paraît être la réponse à un malaise interne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on considère que si on arrive à traiter ce genre de situation en moins de quelques mois, c'est pas une addiction. Si vous avez une addiction... C'est que ça doit être sur plus de 12 mois, c'est ça. Vous avez un long traitement, c'est difficilement réversible, c'est un vrai problème. Alors justement, rentrons un peu dans le dur, sous le capot du crâne avec vous, Jean-Paul Tassin. Qu'est-ce qui se passe dans un cerveau, précisément ? Là, on va parler d'addiction réelle, d'addiction pharmacodépendante. Qu'est-ce qui est rerouté ? Qu'est-ce qui est transformé ? Alors, racontez-nous un peu ça. Bon, au départ, si vous voulez, au départ de la réflexion, c'était le circuit de la récompense. Alors, je vous en dis deux mots. C'est un ensemble de structures qui sont reliées les unes avec les autres et qui, lorsqu'elles sont activées, entraînent un message pour l'individu que tout va bien. Alors, tout va bien physiquement ou psychiquement. Donc, c'est une sorte de baromètre. Et qui est activé en permanence tout au long de la journée. Non, il n'est pas activé en permanence, il est activé quand ça va bien. Voilà. Quand il n'est pas activé, ça va mal. Donc, on va faire le nécessaire pour l'activer. Et il se trouve que les drogues, morphine, héroïne, amphétamine, cocaïne, tabac, alcool, activent ce circuit de la récompense. Et donc, on va mieux. on va mieux et on se sent bien sous le produit. D'où une sorte de compréhension qui a été un peu rapide par les neurobiologistes, c'est bon, ben, l'addiction, c'est un circuit de la récompense qui marche pas très bien. Et puis, il s'est avéré que c'était un tout petit peu plus compliqué. Alors, si vous voulez, l'idée, c'est que dans un cerveau, il y a 86 milliards de neurones et qu'il n'y a que quelques dizaines de milliers de neurones qui sont ce qu'on appelle des neuromodulateurs. C'est-à-dire qu'ils décident, en fonction de la situation, de quelle structure il faut activer pour répondre à la situation. Donc, vous n'utilisez pas les mêmes structures si vous courez ou si vous décidez de réfléchir. Or, justement, les drogues interviennent sur ces modulateurs. C'est-à-dire qu'elles transforment l'équilibre qui peut exister entre certaines structures. Principalement dans le circuit dopaminergique, si je ne m'abuse, oui. Ce que vous allez nous expliquer à l'instant. Alors, il se trouve que le circuit de la récompense est activé par le circuit dopaminergique, qui est un neuromodulateur. Et jusqu'à maintenant, enfin pendant un certain temps, on a pensé que c'était à ce niveau-là qu'il fallait agir. Il fallait essayer de diminuer l'activité de ce circuit dopaminergique pour permettre à l'addict de se sortir d'affaires. Il se trouve que tous les produits qui ont agi directement sur le circuit de la dopamine, enfin indirectement ou directement, n'ont pas fonctionné. C'est-à-dire que l'addiction se maintient. Et ce que nous avons trouvé, mais d'autres aussi, c'est que, en fait, il y a des phénomènes qui se passent en amont. Il y a d'autres modulateurs qui sont en amont de la dopamine. D'autres neurotransmetteurs Modulateurs, pardon. Parce que, vous voyez, vous avez les 86 milliards, ce sont des neurotransmetteurs, et 50 000, ce sont des neuromodulateurs. Vous vous rendez compte, 50 000 86 milliards, c'est quelque chose, c'est un goulot d'étranglement. Mmh. Et c'est justement là-dessus que ça marche. Or, ceux qui sont les modulateurs qui sont en amont de la dopamine s'avèrent extrêmement importants parce qu'ils nous permettent de percevoir l'environnement et aussi de protéger notre cerveau de l'environnement. Et c'est ce lien qui existe entre le cerveau qui perçoit et le cerveau qui est protégé, entre ces deux neuromodulateurs sont liés. Et ce que font les drogues, c'est qu'elles font disparaître ce lien. Donc vous devenez extrêmement sensible à toute forme de perception, puisque les deux systèmes ne sont plus cohérents, et vous êtes impulsif, et brutalement, à l'occasion d'un événement banal, vous avez un désir très fort. Donc ce désir n'est plus contrôlé. Et à ce moment-là, la seule façon de sortir de ce déséquilibre, c'est de reprendre de la drogue. Oui. Donc c'est la drogue elle-même qui déclenche la déliaison, on appelle ça un découplage, et c'est la drogue qui permet artificiellement de recoupler les systèmes, et à ce moment-là on se sent mieux, pendant que la drogue agit. Et quand on a de la drogue, eh bien tout va bien, même si par ailleurs tout va mal. Vous voyez ? Et ce qui est intéressant, c'est que donc ça, ce sont les systèmes d'addiction pharmaco-dépendante. Oui. Donc on voit bien qu'il y a des produits qui interviennent directement sur la dopamine, sur un certain nombre de neuromodulateurs ou de neurotransmetteurs. Donc il y a une action chimique cérébrale. Ouais. Est-ce qu'on peut parler donc d'un point de vue neurophysiologique d'addiction quand il n'y a pas de produits ingérés ? C'est tout le problème. C'est tout le problème, c'est qu'en fait, quand il n'y a pas de produits, d'une part, bon, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsque vous prenez un produit, vous créez le déséquilibre, vous créez le découplage. Donc vous êtes addict et vous devenez addict. Et si vous allez jouer dans un casino, cette addiction, vous allez la transférer vers le jeu. Donc cette addiction sans produit est en fait le résultat d'une addiction avec produit initialement. Ça, c'est le premier cas. Vous voulez dire que ça, c'est le lien, par exemple, que vous évoquiez tout à l'heure entre l'addiction au jeu d'argent et les autres types d'addictions, type tabac, alcool, que l'on retrouve dans beaucoup, dans un grand nombre d'addictions au jeu. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si vous avez fumé, si vous êtes fumeur, si vous êtes alcoolo-dépendant et que vous allez dans un casino, il y a pas mal de chances pour que vous vous retrouviez addict au jeu. Mais ce n'est pas le jeu qui vous aura rendu addict. Vous voyez, c'est ça le problème. Des portes d'entrée avec des produits addictogènes. Exactement, une sorte de porte d'entrée, comme vous voulez. Oui. Et je pense que le tabac est paradoxalement, parce que c'est quand même un produit licite, c'est le produit le plus addictogène que l'on connaisse. C'est plus addictogène que la cocaïne, que la morphine, que l'héroïne, évidemment que le cannabis ou que l'alcool. C'est le tabac qui est le grand champion des champions. Et donc, vous savez qu'il y a 27% de... Enfin, vous ne le savez pas, mais... Vous allez me le dire. Il y a 27% de fumeurs qui sont vraiment dépendants. C'est-à-dire des gens qui sont capables de faire 5 km à pied parce qu'ils n'ont plus de cigarettes, même sous la pluie, pour aller trouver un paquet de tabac. Donc ça, c'est de la vraie addiction. Et c'est ce produit-là qui va être la porte d'entrée. Et on peut dire justement aussi un mot de ce qui se passe une fois que ces mécaniques d'addiction neurophysiologique sont en place. C'est-à-dire qu'il y a des modifications... du système nerveux central, c'est-à-dire qu'on peut observer dans le cerveau des modifications, des circuits de transmission de l'information, de la récompense précisément, c'est-à-dire que des modifications physiologiques. Exactement, c'est-à-dire que ce lien qui existe entre ces modulateurs qui vous amène vers l'extérieur et ces modulateurs qui vous protègent de l'extérieur, ce lien ayant disparu, il va mettre très longtemps avant de se recoupler et à condition qu'on ne reprenne pas du produit, puisque chaque prise de produit va accentuer le phénomène. Alors, ce qui est important, c'est que ce lien, il n'existe pas à la naissance. Quand un enfant qui naît n'est pas mature au niveau de ses modulateurs, et que ce lien va se mettre en place au fur et à mesure du développement de l'individu. Et il va se mettre en place plus ou moins bien en fonction de l'histoire de l'individu. Ce qui fait qu'on comprend maintenant pourquoi, parmi les addicts, leur histoire personnelle est en général plus difficile que ceux qui résistent ou qui sont résilients ou non vulnérables à l'addiction. Et on voit que ça rejoint, dans ce que vous venez de dire, ça rejoint le fait que les vraies personnes addictes sont une toute petite partie, c'est-à-dire des personnes chez qui l'on peut effectivement voir des traces neurophysiologiques de ces comportements addictifs, c'est une toute petite partie, et que la majeure, l'écrasante partie, sont des comportements de type abusif. Exactement. On n'est pas arrivé à ce stade de dissociation. On a eu tendance à cacher un peu ce genre de résultat, parce que c'est vrai que moi, ma mère me disait, si t'en prends une fois, tu vas devenir addict. Ce qui est objectivement faux, mais qu'on ne peut pas vraiment dire de façon simple, puisque, bon, je vous dis, les chiffres sont clairs, 10% pour la cocaïne, qui est quand même considéré comme un produit addictogène, indiscutablement. Mais il ne faut pas non plus nier ensuite tout ce qu'il peut y avoir autour des phénomènes abusifs, de l'addiction sociale en tout cas, ou de tous les paramètres qui font qu'on continue à avoir besoin d'un produit, d'un type de consommation, je pense au tabac évidemment, même sans avoir de rupture de ces circuits de la modulation des neurotransmetteurs. En l'occurrence, en ce qui concerne le tabac, c'est assez rare d'avoir des gens qui fument sans devenir dépendants. C'est justement ça le problème. Il y a suffisamment d'effets désagréables du produit pour qu'on arrête de fumer si on n'est pas dépendant. Un point qui est aussi classique, c'est que la relation entre le plaisir et l'addiction, on a tendance à dire plus le produit donne du plaisir, plus il est addictif. En fait, ça n'y a pas de relation. Si on prend l'activité sexuelle qui, en principe, donne beaucoup de plaisir, eh bien, il y a très très peu d'addicts sexuels. Ça doit exister, mais il y en a très très peu. En revanche, le tabac qui donne relativement peu de plaisir est un produit qui est très addictogène. Donc il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de plaisir avec quelque chose que ce quelque chose va devenir addictogène. Addictogène, encore une fois, au sens neurophysiologique de la chose, qui n'empêche pas d'avoir des rapports problématiques avec un certain nombre de produits, que ce soit l'alcool, le tabac ou n'importe quel autre type de produit psychoactif. Et puis on va voir maintenant que nous avons vu un peu à l'intérieur de notre cerveau quelles sont les modifications et quelle est l'acception finalement de l'addiction au sens stricto sensu médical du terme. On va essayer de comprendre comment tous les écrans qui se sont multipliés dans nos vies ne nous ont peut-être pas rendus addicts, mais en tout cas ont modifié une certaine forme de rapport au réel. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et oui, TV Addict de Niagara, parce que avant d'être addict aux écrans, ou en tout cas avant de développer des comportements de type compulsif autour des écrans qui ont envahi notre quotidien, eh bien il y avait la télévision que l'on a longtemps critiquée pour avoir à peu près finalement les mêmes effets que ce que l'on prête aujourd'hui à la multiplication des écrans, notamment chez les plus jeunes. On va en parler dans un instant en compagnie de Maud Lemercier, qui est doctorante et psychologue clinicienne à l'hôpital Albert Chenevry à Créteil, et Jean-Paul Tassin, neurobiologiste, directeur de recherche émérite à l'INSERM, ancien chercheur au Collège de France, aujourd'hui à l'Université Paris-Sorbonne. Alors on va continuer à examiner ces liens de dépendance que nous tissons malgré nous d'ailleurs ou pas avec tous ces écrans qui ont envahi nos vies. On parlait à l'instant, Jean-Paul Tassin, de circuits dopaminergiques. Il y a beaucoup de sites, les réseaux sociaux, mais aussi des applications qui jouent précisément sur les circuits de la récompense et qui modifient un peu, qui nous manipulent malgré nous pour satisfaire immédiatement des besoins assez basiques, mais dans lesquels on tombe un peu comme dans un piège. Oui, alors ça, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est ce que... Il y a eu un reportage récemment sur, à la télévision. France 2, sur Envoyé spécial. Oui, exactement. Mmh. Enfin, bon, je ne voulais pas le dire, mais si vous le dites... On peut le dire, il n'y a pas de problème. C'est le service public de l'audiovisuel. D'accord. Il y a eu un reportage où on expliquait que tout venait de la dopamine, que le petit garçon qui jouait avec son portable, c'est parce que ça libérait sa dopamine. C'est totalement faux. Ça n'a aucun lien. C'est absolument pas démontré, d'une part. Et d'autre part, c'est pas le problème. En l'occurrence, ce que l'on voit avec le phénomène de l'écran, c'est une forme d'hypnose. Or, cette hypnose, c'est on appelle ça une déafférentation des systèmes qui sont en amont de la dopamine. C'est-à-dire une déafférentation, qu'est-ce que vous entendez par là? Ça veut dire que ce sont des modulateurs dont je parlais tout à l'heure. Ces modulateurs, si vous les activez de façon continue, ils finissent par s'arrêter. Et ils créent une situation dans le cerveau qui est tout à fait particulière. Si vous voulez, parmi les 86 milliards de neurones dont je parlais tout à l'heure, le cerveau, c'est un trépied. Il y a d'une part les modulateurs, ça c'est un. Dont on parlait tout à l'heure. Oui, mmh. Et puis les 86 milliards, qui sont donc d'autres neurones, qui créent une situation d'équilibre de traitement. C'est-à-dire, vous avez soit un traitement analogique, qui est très rapide, auquel on n'a pas accès, et un traitement cognitif, qui nous permet de remarquer qu'il y a un micro devant moi, et que vous êtes en face de moi, donc je suis capable de le dire. Mais parce que j'ai retenu l'information, j'ai traité de façon cognitive. Et c'est ça que l'on perd lorsque l'on regarde un écran. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde un écran de façon continue, on perd la notion cognitive, c'est-à-dire de ralentissement, et on est devant l'analogique. Et l'analogique crée du plaisir en soi, mais pas forcément par l'intermédiaire de la dopamine. C'est que les enfants aiment bien l'analogique, les enfants aiment bien qu'on leur raconte des histoires, et qu'on leur raconte les histoires toujours pareilles. Si vous racontez une histoire toujours la même, mais que vous changez un peu, il est furieux. Donc il aime l'analogique. Or, l'adulte développe son cognitif, et super heureux de retourner vers l'analogique. Donc c'est ça le plaisir plaisir hypnotique régressif. Voilà, c'est un phénomène un peu régressif vis-à-vis de l'écran, et c'est pour ça qu'il a du plaisir, mais pas parce qu'il y a une sortie de dopamine. Maud Lemercier, sur ce système de récompense à court terme, on a lu quand même un certain nombre d'études qui disent que devant un réseau social, on est content quand on a publié quelque chose, que ça a un peu un effet narcissique de satisfaction, de dire on m'aime beaucoup. Ou vous évoquiez tout à l'heure le jeu vidéo, voilà, quand on a un petit dysfonctionnement social, d'être autre chose, d'être pris pour autre chose. Vous constatez, vous, ce type de mécanisme là Oui, de toute façon, ce sont des utilisations qui permettent de rehausser l'estime de soi, qui, on le sait, à l'adolescence est souvent en berne. Donc oui, ça se constate, et effectivement, ça permet ça. On lit aussi beaucoup que cette consommation des écrans a un effet sur la capacité de concentration et de mémorisation. Il y a deux effets positifs ou négatifs? Négatifs. Parce qu'il y a les deux. Alors on dit que justement avec cette société du zapping, où ça commence avec la télévision déjà, mais ça se retrouve sur les réseaux sociaux, etc. On zappe, c'est-à-dire il y a tout un tas d'informations, et à chaque fois on switch et on prend pas le temps du coup de s'intéresser à une chose en particulier, à lire jusqu'au bout par exemple un article qu'on voit, etc. Et du coup que ça amène à des difficultés de concentration à l'école. Ça, c'est pour les plus jeunes, mais c'est aussi vrai pour les adultes. On constate et on voit aujourd'hui que les formats qu'on propose sur les réseaux sociaux sont des formats plus courts, qu'on a du mal à retenir des gens, et on le pense, et ça change la pratique médiatique aussi, pour effectivement, comme vous voulez le dire, de lire des articles en entier, de regarder des vidéos plus longues, que la capacité, que le span attentionnel s'est diminué. Qu'en pensez-vous, Jean-Paul Dassin ? C'est qu'en fait, c'est que ce que l'on cherche à faire, c'est pousser le cerveau vers son traitement analogique, qui est d'une certaine façon une forme de plaisir, il n'y a plus d'effort, mais d'un autre côté, c'est que tout ce qui est apprentissage, qui devrait théoriquement passer par le cognitif et renvoyer en analogique ensuite, c'est un peu compliqué, mais excusez-moi, mais c'est comme ça que ça marche, eh bien, cette difficulté, entre guillemets, eh bien, on la fait disparaître en envoyant des images rapides et en envoyant comme ça un certain nombre de stimulations qui vont, comme je le disais tout à l'heure, déafférenter les systèmes modulateurs. Alors on s'inquiète beaucoup, hein, vous le disiez Maud Lemercier, pour les jeunes enfants. Là aussi, il y a un certain nombre d'études qui montrent qu'effectivement quand on expose les enfants de nombreuses heures aux écrans, eh bien ce sont des enfants qui vont avoir des retards dans l'apprentissage de la parole, qui vont avoir des retards dans l'apprentissage et dans l'attention à l'école, qui vont montrer des déficits de curiosité, d'intérêt. Ça veut dire tout de même qu'on constate chez les plus jeunes une vulnérabilité, donc certainement aussi chez les plus vieux, que ces écrans, ils modifient un peu notre compréhension, notre perception, notre rapport au réel. Alors pour parler des plus jeunes, on accusait justement les tablettes et les téléphones portables, quand ils sont utilisés chez les très jeunes, de créer des symptômes autistiques. Mon point de vue, c'est plutôt de dire que ce n'est pas l'objet en lui-même qui fait ça, c'est le manque de stimulation, notamment avec des êtres humains, qui créent ça. Si vous laissez un enfant dans une pièce blanche, sans jouer, sans personne avec lui, il va développer exactement les mêmes symptômes. Et c'est pas l'objet qui fait ça, c'est vraiment le manque de stimulation. Oui. La traduction neurobiologique de ce que vient de dire Maud, c'est qu'effectivement, vous l'empêchez d'avoir une interaction qui va l'obliger à faire du cognitif. Donc si vous êtes sur une interaction directe avec le portable ou avec la tablette, à ce moment-là, il n'y a plus d'effort, il n'y a plus de modification neurobiologique qui est nécessaire pour arriver à trouver une solution. C'est-à-dire que ce que le cerveau doit faire, c'est que, a priori, quand on lui envoie des émotions, quand on lui envoie des perceptions, quand il reçoit des perceptions, il peut soit les traiter très facilement, soit au contraire les traiter plus longtemps en prenant un certain temps pour traiter l'information. Et c'est ce temps de traitement qu'on lui retire en lui donnant une tablette. On parle aussi de la suppression, c'est vrai chez les enfants, mais chez les enfants, il semblerait que ce soit un processus d'élaboration et de construction cognitive plus important que chez l'adulte, mais de la disparition totalement de l'ennui, de l'oisiveté. Ces écrans que nous avons en permanence, les téléphones dans notre poche, les tablettes dans les transports, font qu'à aucun moment, l'esprit ne divague plus, on n'a plus les yeux dans le vide, on n'est plus dans les files d'attente à penser à autre chose, on est tout le temps sollicité, on est dans finalement, cette sollicitation, on pourrait dire que eh bien, ça maintient notre cerveau en activité. Or, Jean-Paul Dassin, elle est plutôt néfaste et nocive qu'autre chose. Tout à fait. Elle est néfaste parce qu'elle empêche, mais là, je me répète sans arrêt, mais elle empêche cet aller-retour entre ce traitement analogique et cognitif. Si vous avez une stimulation analogique en continu, vous restez comme ça et vous n'avez pas la possibilité, y compris de faire fonctionner vos modulateurs qui permettent l'alternance entre les deux fonctionnements. Vous constatez, Maud Lemercier, dans vos consultations, des troubles du sommeil qui sont systématiquement associés à une consommation excessive de ces écrans. On parle des ondes bleues qui empêchent l'endormissement correctement, notamment ça sur les téléphones portables. Oui, ça se constate, notamment si les écrans sont utilisés juste avant d'aller dormir, où cela retarde souvent l'endormissement parce qu'il y a une stimulation au niveau de la rétine, je crois, qui fait que du coup... Les yeux ne sont pas au repos et on ne peut pas justement trouver un état calme pour s'endormir. Parce que là, il y a une autre interprétation. C'est que, en fait, ces activités vont intervenir sur ces modulateurs. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que ces modulateurs, pour que l'on s'endorme, doivent s'arrêter. Or, sous l'effet de la tablette, ils sont déafférentés. C'est-à-dire qu'ils sont non pas activés, ils sont très activés au début, puis progressivement, ils s'arrêtent. Et ça devient très difficile d'arrêter des systèmes qui sont déjà arrêtés. Donc c'est difficile de s'endormir, parce que l'endormissement, c'est la baisse d'activité de ces modulateurs. Indispensable. Pour parler de la responsabilité des différents acteurs de ces écrans, qu'il s'agisse des constructeurs de téléphones, des gens qui travaillent sur les applications, des patrons des grands réseaux sociaux, il y a quelque chose que je trouve intéressant aussi, c'est la disparition de ce qu'on appelle la porte de sortie. C'est-à-dire que dans les activités précédentes, quand on lit un livre, même quand on regardait autrefois la télévision ou qu'on écoutait la radio, eh bien à la fin d'un programme, on passe à autre chose. C'est une porte de sortie. Quand on termine un chapitre de livre, de bande dessinée, c'est une porte de sortie. Aujourd'hui, tous ces programmes, toutes ces activités-là sont faites pour supprimer cette porte de sortie-là et donc nous pousser à une consommation de plus en plus longue et de plus en plus difficile à quitter. Je crois qu'il y a un effort à faire pour s'arrêter. Cet effort, tout est fait pour que cet effort devienne de plus en plus important, effectivement. Vous avez raison de parler de porte de sortie, ça paraît tout à fait adapté. Qu'en pensez-vous, Maud Le Mercier ? Oui, c'est ça. Et puis, très certainement, beaucoup d'enjeux économiques derrière qui rentrent en ligne de compte. On va essayer de prendre dans les quelques minutes qui nous restent la question par... dans le sens inverse. Il y a tout de même un certain nombre d'études. On parle de peut-être plus de comportements d'addiction ou de dépendance, mais de phobie. On a même créé des mots, on appelle la nomophobie, la peur de retrouver, de ne plus avoir son téléphone portable à disposition, la peur de ne plus être joignable. Aujourd'hui, ne plus être joignable, ça suscite une angoisse. Ça me fait revenir, alors je m'adresse à vous, en tant que psychologue clinicienne, Maud Le Mercier, à ce que j'évoquais tout à l'heure, comme est-ce que cette multiplication des écrans n'a pas créé une société d'angoisse à bas bruit, un stress constant de ne pas pouvoir être joint, un stress constant de ne pas avoir accès à l'information, un stress constant de ne pas pouvoir réagir immédiatement en cas de sollicitation. Nous vivons dans une société du « on veut tout, tout de suite, maintenant », d'accessible. Du coup, les nouvelles technologies se développent sur ce modèle. Et oui, il peut y avoir une forme d'angoisse qui naît de ça. Mmh. Oui, il y a une étude qu'on vient de publier sur le fil Twitter de l'émission qui est intéressante et qui montre comment trois groupes de personnes plus ou moins attachées à leur téléphone se comportent face à un questionnaire en fonction qu'on laisse le téléphone sur la table, dans leur poche ou dans une pièce à côté. Et on voit que quand le téléphone est loin, c'est-à-dire quand la possibilité de sollicitation n'est pas immédiate, eh bien la capacité de concentration est évidemment immédiatement meilleure, Jean-Paul Tassin. Exactement, oui. Alors là, vous avez évoqué les côtés négatifs. Je crois qu'il ne faut pas complètement... Non, bien sûr. J'allais y venir, mais j'aimerais juste peut-être dire un mot pour les auditeurs qui nous écoutent et par rapport aux pratiques que l'on peut avoir individuellement. Ça veut dire que sur cette étude, mettre le portable à distance, s'éloigner de son téléphone portable, de son ordinateur, de sa tablette, les mettre, c'est-à-dire physiquement loin de nous, ça peut avoir un effet sur l'amélioration de notre capacité relationnelle et sur la vie quotidienne. Vous êtes un peu obsédé par cet ordinateur qui est un peu loin, dont vous aimeriez pouvoir utiliser. Moi, j'ai un exemple très simple, c'est le fait d'avoir un rendez-vous et d'être pris dans un embouteillage. Il y a quelques années, vous êtes pris dans un embouteillage, vous voyez l'heure qui tourne, vous devenez dingue. Maintenant, vous sortez votre téléphone portable et vous envoyez un SMS en disant « je serai en retard de 10 minutes » ou d'une demi-heure. Ça change tout. Alors précisément, essayons de voir les choses par l'autre côté. Si on prend le problème dans le sens inverse, on sait que le jeu vidéo permet, par exemple, par une pratique non abusive, d'améliorer les réflexes, la créativité, la prise d'initiative. Même en reroutant un certain circuit neuronal, on constate chez des jeunes adultes qui jouent qu'effectivement ils sont plus habiles. Exactement. Il y a eu des expériences faites également chez des médecins qui pratiquaient un certain nombre d'opérations de manière plus agile s'ils pratiquaient certains jeux vidéo. L'accès à la connaissance, l'information n'a jamais été à ce point aisé, qui d'ailleurs parfois même a libéré des places dans la mémorisation ou a transformé, je parle sous votre contrôle, notre rapport au savoir. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, nous ne sommes pas juste dans une nouvelle phase, dans un nouveau rapport à ces technologies qui va finir par s'adapter, puisqu'aujourd'hui, plus personne ne dit que la télévision, c'est le mal ou que le jeu vidéo, comme on l'entendait au début de cette émission, va pousser les jeunes à la prostitution pour pouvoir aller jouer à la console dans un café. Maud Le Mercier. Tout dépend, bien évidemment, à chaque fois de l'utilisation qu'on fait de ces nouvelles technologies. On voit par exemple Minecraft, qui a décidé de développer un volet éducation. Qui est un jeu vidéo très très populaire, qui est l'un des jeux vidéo certainement certainement les plus vendus au monde. Voilà, pour que justement les enseignants puissent l'utiliser très tôt avec les jeunes pour les aider dans tout ce qui est la spatialisation, etc. Donc il y a de très nombreuses utilisations bénéfiques à faire. On voit que la réalité virtuelle, donc ça c'est le jeu vidéo poussé à son extrême, permet notamment maintenant de soigner des phobies dans le cadre des thérapies cognitives ou comportementales. Donc il y a plein d'usages positifs à en faire. Et c'est toujours l'usage qui compte. Est-ce que nous sommes encore dans la phase d'apprivoisement, Jean-Paul Tassin ? Sans doute, oui. Sans doute que cette phase d'apprivoisement va se réguler ? Oui, parce qu'on n'a pas atteint les limites, pas encore atteint les limites. On va certainement pouvoir en développer beaucoup plus. Pensez néanmoins, et vous diriez l'un et l'autre, peut-être en forme de conclusion, que malgré tout, pour tout le monde, réduire un peu, faire l'effort de se déconnecter un peu. Il y a aujourd'hui même des séjours qui proposent de venir et d'abandonner tout l'ordinateur, le téléphone, les tablettes à l'entrée et de les retrouver. C'est forcément bénéfique aujourd'hui, à titre individuel, à titre collectif. Moi, je suis résolument optimiste. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des régulations qui se font automatiquement. Je pense au Minitel ou des choses comme ça. Vous rendez compte du Minitel ? Je sais pas, vous l'avez connu ? Oh oui, j'ai connu Minitel. vous voyez, ça a complètement changé. J'ai joué sur Minitel. Si vous imaginez dans 20 ans, ça sera totalement différent. En revanche, moi, j'ai vu un reportage en 1953 où on montrait, à la télévision, où on expliquait que bientôt, on était en 53, que bientôt les gens liraient le journal sur des tablettes. Je me souviens de ce reportage. On va vous le retrouver. Noémie Naguère va faire un petit effort et elle va vous le mettre sur le fil Twitter, qui est une espèce de fenêtre sur le futur qui est donc assez surprenante. Il faut se méfier de tout ça parce que considérer qu'aujourd'hui ça peut poser un petit problème dans certains cas, voyons dans 10 ans, on verra. Maud Le Mercier, vous conseillez aussi tout de même de faire le petit effort d'essayer d'être un peu moins toujours accroché à son téléphone, à son ordinateur. Ça ne peut faire que du bien psychologiquement, socialement. Ça peut faire du bien. Il faut surtout essayer de prendre du recul avec nos nouvelles pratiques qui amènent à de nouvelles manières d'être avec soi-même, mais aussi avec les autres. Et à 16h52, nous allons entendre une autre doctorante aujourd'hui. Comme tous les mercredis, nous recevons en fin d'émission un ou jeune scientifique qui vient nous parler de ses travaux de recherche. Aujourd'hui, c'est Hélène Krieger-Denoux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en dernière année de thèse au laboratoire UTRPP à l'école doctorale Erasme et l'université Paris 13, Sorbonne, Paris Cité. Bienvenue à la recherche Montre en main. C'est à vous et approchez-vous un tout petit peu du micro. Très bien. Alors, mon travail de recherche, il est articulé autour de la problématique des liens entre narcissisme et addiction. Et ce travail de recherche, il est indissociable de ma pratique clinique en addictologie, maintenant depuis une petite dizaine d'années, avec des patients qui présentent donc une dépendance pathologique. Alors, la clinique de l'addiction, elle vient interroger en premier lieu, il me semble, le dispositif psychothérapeutique du clinicien, ses outils, sa technique, ses références théoriques. Et il vient l'inviter à penser une clinique qui relève, et c'est mon hypothèse de travail, d'une clinique du paradoxe. Alors si l'économie addictive, elle est souvent perçue dans sa seule dimension d'autodestructivité, elle relève également d'une tentative de restauration du narcissisme du sujet. C'est-à-dire qu'on pense souvent qu'en s'adonnant à tel ou tel comportement addictif, la personne souhaite uniquement se détruire, alors qu'en écoutant ses patients, finalement, on s'aperçoit que ce comportement leur procure également un intense sentiment d'exister. Alors, à l'origine, ce sentiment d'exister, il prend racine au fondement de notre narcissisme. Alors, le narcissisme entendu, par exemple, comme une enveloppe psychique primitive, il se constitue dans la relation mère-bébé, c'est-à-dire dans un temps où le petit être humain se trouve dans un état de dépendance absolue à l'égard de son environnement. Alors, tant évidemment du point de vue de la satisfaction de ses besoins physiologiques que, évidemment, la satisfaction des besoins affectifs, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait dire à Winnicott qu'un bébé, ça n'existe pas. Parce qu'un bébé, sans son environnement, ça meurt, tout simplement. Voilà. Et c'est dans cette relation primitive, finalement, que l'enfant pourra créer un espace psychique, une enveloppe qui va être apte à contenir ses états affectifs et constituer donc les fondements narcissiques qui pourront lui assurer un espace psychique où le conflit oedipien, notamment dans la perspective freudienne, viendra s'épanouir. Alors toutefois, il m'a semblé que chez le sujet addicté, c'est ce registre des fondements narcissiques qui se voit pris en charge par l'addiction. C'est-à-dire que l'agir addictif vient pallier un défaut fondamental dans l'organisation psychique du sujet. Alors chez ces personnes, l'espace de sécurité interne n'est pas suffisamment assuré. Et pour combler ce défaut, pour se rassurer, le sujet viendra puiser dans les sensations corporelles qui sont mises en œuvre dans à peu près toutes les addictions. Ainsi, donc, ce sont les sensations corporelles qui viennent tenter de remplacer l'activité psychique. C'est-à-dire que finalement, à partir du corps, on va essayer de créer quelque chose qui ressemble à de l'âme. Mmh. Alors on est confronté ici à un mécanisme psychique qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'en attaquant l'espace de pensée, en ayant recours à l'excitation, aux sensations corporelles, le sujet parvient à créer quelque chose de cet espace de pensée. Il va avoir recours à des agirs producteurs de sensations qui visent à lui procurer une enveloppe narcissique qui est éphémère, mais toujours reproductible et contrôlable via la répétition du comportement addictif. Alors on a vu que les fondements narcissiques du sujet prenaient corps dans l'état de dépendance vitale du bébé à l'égard de son environnement. Et justement, le sujet addicté, lui, vit dans le déni de cet état de dépendance à l'autre qui est constitutif de notre être. C'est-à-dire que le sujet addicté, en s'adonnant à son addiction, et donc finalement en devenant dépendant, pour un observateur extérieur, a l'illusion, lui, paradoxalement, de façon interne, de vivre en toute indépendance, hors de toute relation à autrui. En fait, le sujet addicté, finalement, il a besoin de personne. Et souvent, il revendique qu'on accepte son comportement en disant « mais tant que je fais de mal à personne, finalement, ça regarde que moi ». Et d'ailleurs, la plupart du temps, le sujet n'est pas dépendant puisqu'il arrête quand il veut. Alors évidemment, c'est pas tout à fait le cas et c'est souvent sur une pression externe que le sujet accepte de venir consulter. Alors cette demande des patients vis-à-vis du psychologue, elle est elle aussi paradoxale, on peut la formuler ainsi. Donc aidez-moi à me passer de ce dont je sais ne pas pouvoir me passer. Et cette demande, elle est accompagnée d'un autre questionnement, à savoir le lien à l'autre peut-il s'avérer digne de confiance ? Et un questionnement qui est assorti d'un défi souvent lancé aux cliniciens, saurez-vous être pour moi aussi fiable que mon produit ? Alors ce dernier défi, cette première provocation, sont pas sans confronter d'emblée le clinicien aux limites fondatrices de son activité thérapeutique et à son propre narcissisme. Là, on passe d'une clinique du paradoxe finalement à une clinique des limites. Comment est-ce que la parole dans la relation psychologue-patient peut rivaliser avec la satisfaction immédiate qui est procurée par l'agir addictif ? Comment est-ce que la relation psychothérapeutique qui n'est faite que de paroles, classiquement, est-ce qu'elle peut s'établir, cette relation de confiance ? Et quelle est la spécificité du transfert à l'œuvre dans cette relation thérapeutique ? Et donc on voit finalement que d'une clinique du paradoxe, on passe à une clinique des limites. Et on vient interroger finalement des concepts qui sont pas encore tout à fait définis au niveau scientifique. L'affect, le sensoriel, le corporel et bien sûr les limites psychiques du clinicien-chercheur, dont j'espère qu'elles vont être fécondes. Merci beaucoup Hélène Krieger de nous. Peut-être un petit mot en deux mots, est-ce que nous sommes tous finalement à ce niveau-là de rapport à nos écrans parce que nous sommes tous un peu trop narcissiques aujourd'hui, Jean-Paul Tassin ? Moi, je ne le verrai pas comme ça, pas du tout. Bon, mais bon. On ne va pas refaire le débat. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'être venus à cette émission. Merci Maud Lemercier, merci Hélène Krieger de nous, merci Jean-Paul Tassin, merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Céline Lozen, Eve Etienne, Sarah Igemans, Elisabeth Miro à la réalisation, Antoine Pitiloni à la technique. Et la suite de vos aventures sur France Culture, dans un instant, c'est le troisième épisode de la série documentaire de la semaine, Le sexe comme objet, savoir et sexualité, par Delphine Saltel et Vincent Deck, en perspective de la journée spéciale de vendredi liée au forum L'année vue par les savoirs. On vous en reparle dès demain, le sexe et pouvoir qui a été enregistré samedi dernier dans le Grand Amphi de la Sorbonne. Tout à l'heure, à 18h20, dans Le Grain à Moudre, Hervé Gardette demandera à ses invités un autre bac. Est-il souhaitable ? Et pour ce qui nous concerne, eh bien demain nous reviendrons sur l'histoire d'un scientifique maudit qui a terminé sur le bûcher pour avoir osé défier l'Église, héritier du Copernic et contemporain de Galilée. Nous parlerons de Giordano Bruno demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.